franceinter.fr. Aujourd'hui, dans Affaires sensibles, l'histoire d'un fiasco franco-britannique, l'expédition de Suez, lancée après la nationalisation du canal par le président égyptien Gamal Abdel Nasser. Un seul Bosphore avait suffi jusqu'ici aux embarras du monde, vous en avez créé un second bien plus important que l'autre. Car il ne met pas seulement en communication deux parties de mer intérieure, il sert de couloir de communication à toutes les grandes mers du globe. C'est ainsi qu'Ernest Renan accueille à l'Académie le fondateur du canal, le français Ferdinand de Lesseps. Quelques décennies plus tard, pendant l'automne 1956, comme Renan l'avait prophétisé, le canal de Suez devient en effet un champ de bataille où s'échouent les ambitions françaises et britanniques. Suez, c'est aussi la fin d'une époque, celle du délitement de l'influence de la France et de la Grande-Bretagne au Moyen-Orient. En Algérie bientôt, et après le Maroc et la Tunisie qui ont déjà pris le large. Même constat côté britannique. En juin 1956, les derniers soldats de la couronne ont quitté l'Égypte. Quelques mois plus tard, Français comme Anglais pensent pouvoir redevenir les maîtres sur les lieux, mais l'allié américain et la communauté internationale en décideront autrement. Au cours de cette émission, nous reviendrons donc sur les événements connus à l'époque, la bataille diplomatique et militaire, officielle et médiatisée, ainsi que sur les tractations secrètes que le temps et le travail des historiens ont permis de dévoiler. Parmi ces historiens, notre invité Denis Lefebvre, qui revient longuement sur cette histoire dans son ouvrage intitulé « Les secrets de l'expédition de Suez », édité chez Perrin. Affaires sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Jean Bulot avec l'appui des documentalistes de Radio France, attaché de production Valérie Priolet, Isard, coordination Christophe Barrère, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Stéphane Ronxin, à la technique aujourd'hui Ronan Mahé. Fabrice Drouel, Affaires sensibles, sur France Inter. Octobre 1956. Ce matin-là, dans le ciel parisien, un avion de type DC-4 cherche une piste d'accueil. En fin de matinée, il atterrit enfin sur la base aérienne située au sud de Paris, au milieu des champs, à Brétigny-sur-Orge. Sur le tarmac, il n'y a ni journaliste, ni micro, ni caméra, non. Juste un homme du cabinet du ministre de la Défense français qui est venu accueillir ses hôtes très spéciaux, dont personne, absolument personne, ne doit être informé de la présence. Secret Défense. Dès la descente de l'avion, la délégation s'engouffre dans plusieurs voitures, puis prend la route en direction de la ville de Sèvres, où une villa isolée a été aménagée pour les recevoir. Parmi eux, il y a un vieil homme qui a du mal à cacher sa chevelure blanche sous son chapeau noir. Son nom, David Ben-Gourion. Sa fonction, premier ministre et figure de proue de la création de l'État d'Israël. La veille, Louis Mangin, l'un des proches de Maurice Bourgès-Monoury, le ministre français de la Défense, reçoit la mission de venir chercher en Israël le premier ministre et ses collaborateurs, dont le chef d'état-major Moshe Dayan. Quelques heures après leur arrivée à Sèvres, ce sont Guy Mollet, président du Conseil français, et son ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, qui débarquent dans la villa. Entre les deux gouvernements, la confiance est au beau fixe, notamment en matière militaire. Depuis l'arrivée de Mollet et de Bourgès-Monoury, la coopération entre les deux pays s'est accélérée en matière de renseignement et de livraison d'armes. L'affaire est plus compliquée avec le troisième pays invité à cette rencontre secrète, autrement dit, la Grande-Bretagne, représentée par Selwyn Lloyd, secrétaire d'État au Foreign Office. L'histoire commune entre ces deux nations laisse pour l'heure plus de méfiance que de confiance aux Israéliens qui sont toujours en conflit avec eux, notamment au sujet de la Jordanie. En tout cas, l'heure est grave. Ensemble, ils doivent acter et préparer une attaque de grande envergure, coordonnée et conjointe, contre l'Égypte de Nasser. Le dossier est complexe et délicat. En cas d'échec, la France et la Grande-Bretagne peuvent perdre leur prestige au Moyen-Orient et ailleurs dans le monde. Israël peut mettre en péril la sécurité de son territoire et de sa population. Donc, chacun joue sa partition, place sa pièce sur l'échiquier diplomatique et militaire. Attaquer Nasser, ils sont tous d'accord. Mais comment ne pas apparaître aux yeux du monde comme les agresseurs? Le général Schall, qui fait partie de la délégation française, a une idée. qu'Israël bombarde elle-même l'une de ses villes pour faire croire à une attaque étrangère. Rien que ça. Autour de la table, les représentants israéliens sont stupéfaits de la légèreté de la proposition. Choqué, David Ben-Gourion répond sèchement qu'il n'en est pas question. Les discussions se poursuivent et finalement un plan se dessine en trois phases. 1. Le 29 octobre, Israël attaque l'Égypte. 2. À la suite de cette intervention, Français et Anglais lancent un ultimatum aux deux forces belligérantes. 3. En cas de refus, ils s'interposeront en bombardant puis en débarquant aux abords du canal de Suez. Le 23 octobre, Christian Pinault s'envole pour Londres, où il négocie directement avec le Premier ministre Anthony Eden, qui accepte de détruire l'aviation égyptienne, mais il prévient qu'il sera attentif aux prétentions israéliennes sur le territoire égyptien. Le 24 matin, Ben-Gourion accepte l'accord. Le soir, on dépêche une secrétaire du ministère de la Défense dans la villa pour taper à la machine le document dénommé « Protocole ». Il s'agit de trois pages blanches, sans en-tête, où le calendrier des opérations est détaillé. En bas à droite, David Ben-Gourion, Christian Pinault et Patrick Dean, sous-secrétaire au Foreign Office, apposent leurs initiales puis signent la troisième page. Trois exemplaires sont ainsi édités qui ne devront jamais être dévoilés. Voilà. Maintenant, quelles seront les conséquences de cet accord? Pourquoi ces trois pays s'unissent-ils et pour quels intérêts? L'affaire du protocole de Sèvres commence quelques mois plus tôt, le 26 juillet 1956, quand Nasser annonce au monde et à son peuple la nationalisation du canal de Suez. بسم الأمة رئيس الجمهورية مادة واحد تؤمم الشركة العالمية لقناة السويس البحرية شركة مساهمة مصرية. À l'instant où je vous parle, quelques-uns de vos frères, des fils de l'Égypte, prennent en main la gestion de la compagnie du canal de Suez. En cet instant, ils prennent possession de la compagnie du canal, la compagnie égyptienne du canal, et non la compagnie étrangère du canal. Ils sont allés prendre possession de la compagnie et de ses services. Ils sont allés organiser la navigation dans le canal qui se trouve en terre d'Égypte, qui traverse la terre d'Égypte, qui est une partie de l'Égypte et une propriété de l'Égypte. وانتقل إلى الدولة جميع ما لها من أموال وحقوق وما عليها من التزامات. Nous avons pris cette mesure pour compenser les spoliations du passé et pour élever un nouvel édifice de force et de dignité. Que Dieu vous guide vers le succès, que sa paix soit sur vous. Ce 26 juillet 1956, le colonel Nasser fait basculer l'Égypte dans l'inconnu. À la tête des officiers libres, responsables du coup d'état militaire de 1952, il attend 2 ans pour devenir le seul maître du pays. Inconnu de la plupart des capitales occidentales, Nasser marque très vite son territoire et sa ligne de conduite. Sur le plan international, il joue la carte de la neutralité face aux deux blocs et prône un nationalisme arabe. Sur le plan intérieur, il envisage la construction ambitieuse d'un barrage sur le Nil, à Aswan. Grâce à cet ouvrage, il pourra domestiquer les crues tout au long de l'année et permettre ainsi l'irrigation de 840 000 hectares. Mais comment financer ce projet? Nasser se tourne vers les grandes puissances, notamment vers les États-Unis, qui acceptent de réfléchir à la demande égyptienne. Mais le 19 juillet 1956, le secrétaire d'État américain annonce sans explication le retrait de son pays. Très vite, la Grande-Bretagne emboîte le pas, le barrage prend l'eau. Le président égyptien joue alors un coup de poker historique. Il nationalise le canal de Suez. Vu du ciel, ce canal n'est qu'une ligne bleue qui traverse l'Égypte et relie la Méditerranée à la mer Rouge. Vu du sol, il est un formidable carrefour maritime, source de richesse et d'influence. Ouvert à la navigation dès l'année 1869, le canal sort du sable grâce à l'initiative d'un diplomate français, Ferdinand de Lesseps, qui, en accord avec le gouvernement égyptien, réussit à réunir assez de fonds pour financer les travaux titanesques de sa construction. Depuis cette date, tous les bateaux du monde y passent et enrichissent prodigieusement la compagnie universelle du canal maritime de Suez. C'est donc à ce symbole que Nasser décide de s'attaquer ce 26 juillet 1956. Dans les premières minutes de son discours, rien ne laisse pourtant augurer qu'il s'agit d'un moment historique. Non, le ton du président égyptien est étonnamment léger, presque humoristique, quand il raconte ses démêlés, par exemple, avec les puissances occidentales. Puis le ton se fait plus lent, plus tranchant. Il annonce que plus jamais le canal ne sera le monument de l'arbitraire, de la spoliation, de l'humiliation. Dans la foule, personne ne le sait, mais au même moment, les forces de l'armée égyptienne s'emparent des installations et réquisitionnent le personnel de la compagnie. Il ne s'agit pas d'une promesse au futur, mais bien de l'annonce d'un renversement. Face à l'événement, à la fin de son discours, Nasser se laisse surprendre par un rire, oui, un rire devenu historique, un rire de libération et de provocation qui bientôt fait frémir l'Occident et transporte tout le tiers-monde. Parmi les témoins dans la foule, il y a le journaliste français Jean Lacouture. C'était le moment culminant du discours et à partir de ce moment-là, nous nous sommes tous regardés avec beaucoup d'émotion, beaucoup de ou d'inquiétude ou je ne sais quoi. Et à côté de nous, François Quilici, le député de Reims, monte sur sa chaise et dit « il n'a pas le droit ». Je me souviens très bien de ce moment étonnant. Peu de temps après, le discours s'est terminé dans un enthousiasme prodigieux. La place Mohamed Ali était comme une bouilloire en ébullition. Nasser est descendu de l'estrade et non loin de moi, je croise un des hommes les plus importants de la révolution égyptienne, Khaled Mohieddine. Et Mohieddine me dit en anglais, c'est un beau geste, mais vers quoi allons-nous ? En quelques heures, l'annonce du colonel Nasser fait la une des quotidiens du monde entier, notamment à Londres et en France, où se trouve le plus grand nombre d'actionnaires de la compagnie. Dès le lendemain, dans la capitale française, un conseil interministériel convoqué. À la sortie, devant la presse, le ministre des Affaires étrangères, Christian Pinault, condamne fermement l'action du président égyptien et il annonce un prochain voyage à Londres pour imaginer les réponses les plus adaptées avec l'allié anglais. De l'autre côté de l'Atlantique, le ton est moins ferme. En pleine campagne présidentielle, les États-Unis refusent de condamner Nasser et appellent à une consultation en urgence des pays usagers du canal. Eisenhower lâcherait-il l'allié anglais ? Le 29 juillet, une première réunion entre la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis est organisée à Londres. Peu à peu, le doute s'épaissit. L'Amérique refuse d'envisager tout recours à la force et souhaite favoriser la carte de la diplomatie. À la sortie de cette rencontre tripartite, les trois alliés annoncent la tenue d'une réunion internationale dès le 16 août à Londres. En attendant, en France, le gouvernement joue la carte de l'opinion et des médias. Le 30 juillet, son chef, Guy Mollet, profite d'un déjeuner avec l'Association des journalistes parlementaires pour citer quelques passages d'un livre signé de Nasser intitulé « La philosophie de la révolution » qu'il compare à Mein Kampf. Quatre jours plus tard, le 3 août, à l'Assemblée nationale, une motion présentée par la Commission des affaires étrangères qui qualifie le comportement du colonel Nasser de « menace permanente pour la paix » est votée par 422 voix contre 150. Le soir même, à la radio et à la télé, Guy Mollet explique la position de son gouvernement aux Français. Une conférence a été convoquée sur le statut du canal. Cette conférence devra aboutir rapidement. Ses conclusions devront être ou acceptées par Nasser, ou, s'il devait de nouveau, dans un dernier défi, prétendre les ignorer, lui être imposées. J'ai donné à l'Assemblée, comme je donne ce soir au pays, l'assurance que les mesures nécessaires étaient d'ores et déjà prises en France, comme en Grande-Bretagne. Je le répète, je ne ferai pas de grandes phrases. Nous sommes plus soucieux d'actions réelles, d'actions efficaces, que d'énergie dans les mots. Le gouvernement a pris ses responsabilités. Il continuera dans cette voie sans forfanterie. Il appelle le pays à comprendre cette nécessité. On ne peut pas bafouer la France. On ne peut pas mettre en cause la paix. Nous savons l'étendue des responsabilités qui pèsent en ce moment sur nos alliés, sur nous-mêmes. Nous n'hésiterons pas. Nous les assumerons jusqu'au bout, certains que nous sommes d'être en agissant ainsi les interprètes de la volonté de l'immense majorité de la nation. Le 23 août, après 7 jours de conférence internationale, 18 des 22 nations usagères du canal votent en faveur de la création d'une autorité internationale de l'ouvrage et confient au Premier ministre australien la présentation de l'accord au colonel Nasser. Dans le même temps, les Anglais et les Français mettent en place un plan B, au cas où. En effet, dès le 30 juillet, une première rencontre d'ordre militaire a lieu entre représentants des deux pays dans un souterrain secret situé sous la Tamise. Le 5 août, la France accepte l'idée d'un commandement intégré placé sous la houlette britannique. Le 11 août, un premier plan intitulé « Mousquetaire » est acté. Il prévoit une opération d'envergure sur Alexandrie. Les Américains sont-ils pour ? La réponse est négative. Il préfère attendre l'avancée du travail des diplomates. Qu'importe, Anglais et Français poursuivent l'élaboration de la solution militaire et commencent à rassembler des hommes et des bâtiments sur la Méditerranée. Le 7 septembre, la crise franchit une nouvelle étape. Poussée par Londres et Paris, la compagnie universelle de Suez retire ses pilotes pour empêcher la navigation sur le canal et espère prouver aux yeux du monde que l'Égypte est incapable de gérer l'ouvrage. Le même jour, les négociations menées par le premier ministre australien se concluent par une fin de non-recevoir de la part de Nasser. La tension monte d'un cran. Au Caire, les entretiens du colonel Nasser et de la délégation des cinq se sont soldés par un échec. Aucun commentaire touchant la cordialité des conversations ne voilera la déception de M. Menzies, pas plus que le sourire du dictateur ne peut cacher les difficultés où l'attitude égyptienne peut entraîner le monde entier. Parallèlement d'ailleurs, la France et la Grande-Bretagne, dont la détermination reste ferme, continuent à prendre leurs précautions. À Chypre se poursuivent les débarquements de troupes et de matériel. On sait que plusieurs camps ont été mis à la disposition des unités françaises et que 6000 parachutistes, dont 3000 sont déjà arrivés, sont destinés à les occuper. Quelles seront les suites de l'acte de force accompli par le colonel Nasser? France et Angleterre se consultent. On parle d'un recours à l'ONU, d'une intervention américaine, de nouveaux projets de gérance du canal, mais les heures qui passent restent graves. En France, dans les couloirs du ministère, comme dans la presse, les esprits s'échauffent. Nasser est comparé à Hitler du Nil, et on se souvient alors de Munich, on se souvient de l'intervention allemande en Tchécoslovaquie. Dès le 10 septembre, Guy Mollet rejoint Londres où il profite du compte-rendu de la mission en Égypte du premier ministre australien pour consolider l'union en cours avec l'Angleterre. À son retour en France, il annonce la création d'une association des usagers du canal. Nous avons donc décidé de constituer, entre les pays usagers du canal, une association coopérative chargée d'exercer, au nom de ses membres, les droits qui découlent pour eux de la Convention de 1890. Cette organisation recherchera toute forme de coopération convenable avec l'Égypte. L'association des usagers du canal de Suez aura notamment pour attribution de mettre à la disposition des navires les pilotes nécessaires pour le bon passage du canal et de recevoir les droits de péage des bateaux qui franchiront le canal, sous réserve pour elle de verser à l'Égypte une compensation équitable pour sa contribution à l'entretien du canal et pour les facilités de transit qu'elle fournirait. Toutes les mesures sont prises et tous les contacts utiles organisés pour que l'association des usagers soit mise sur pied sans délai et que le plus grand nombre possible d'États y adhèrent. Elle commencera immédiatement à fonctionner et à exercer ses pouvoirs. La réponse de Nasser ne se fait pas attendre. Le 15 septembre, il déclare « L'Égypte ne reconnaîtra jamais la décision unilatérale créant une association des usagers du canal de Suez. » Puis il conclut son intervention par cette menace « Nous avons des armes à donner à chaque Égyptien capable de s'en servir. Quiconque osera attaquer l'Égypte apprendra qu'il a attiré le désastre sur lui-même, un désastre qu'il ne pourra jamais supporter. » Trois jours plus tard, le 19 septembre, une nouvelle conférence internationale se déroule à Londres sous l'égide des États-Unis. Ce sommet approuve la charte de l'association des usagers du canal de Suez, mais il rejette, pour l'heure, les propositions militaires de la France et de la Grande-Bretagne. Alors, les Français et les Anglais jouent leur dernière carte diplomatique et saisissent le Conseil de sécurité de l'ONU. Le 27 septembre, l'ambassadeur de France, représentant permanent au Conseil de sécurité, Cornu Gentil, explique au micro de Pierre Sanet à New York la position de la France. Ici Pierre Sanet à New York. Monsieur l'ambassadeur, que s'est-il passé hier au Conseil de sécurité? La France et l'Angleterre demandaient au Conseil de réaffirmer et de défendre les principes de droit et de morale internationale gravement menacés en lui demandant d'accepter d'inscrire l'affaire du canal à son ordre du jour. Appuyés par les États-Unis, la France et l'Angleterre ont obtenu à la fois l'inscription qu'elles demandaient et la priorité pour leur proposition. La discussion sur le fond s'engagera à la fin de la semaine prochaine. Le débat sera difficile et beaucoup dépend de l'unité d'action et de fermeté dont sauront faire preuve les Français, les Anglais et les Américains. Merci, monsieur l'ambassadeur. Ici Pierre Canès à New York, à vous, Paris. Pourtant, l'heure n'est déjà plus à la diplomatie. Français comme Anglais savent que l'URSS mettra son veto en cas d'action militaire de l'ONU. Moscou protégera son allié Nasser. Les États-Unis, eux, bottent en touche, campagne présidentielle oblige. Le 24 octobre, à Sèvres, avec le soutien d'Israël, Anglais et Français décident donc d'une action militaire contre Nasser. En sortiront-ils victorieux? Quelles seront les réactions de la communauté internationale? Vous entendez probablement le bruit sourd des bombes qui sont en train de tomber sur Héliopolis. Il est exactement 22h du Caire du 31 octobre 1956. Le bombardement de ce populaire faubourg du Caire a été précédé par le lancement de nombreuses fusées illuminantes qui, avec leur violente lumière jaune, éclairent fixé à jour le terrain. En ce moment, les bombes incendiaires qui ont précédé le lancement des bombes à haut potentiel teintent le ciel du rouge des incendies. Les fusées illuminantes se sont éteintes et il ne reste plus que le blanc des éclats, le rouge des incendies et le bruit des décharges. Un communiqué du grand quartier général des forces armées égyptiennes précisera à 2h de la nuit que pendant l'attaque aérienne déclenchée par les bombardiers britanniques et français, l'académie militaire, la mosquée d'Héliopolis, l'hôpital d'Almaza, l'aérodrome du Caire, du même que plusieurs aérodromes militaires et autres endroits à Choubra, ont été touchés. Bilan en victimes humaines, 7 morts. L'offensive israélienne contre l'Égypte du colonel Nasser débute dans la nuit du 29 au 30 octobre 1956. Tout se passe comme prévu, ou presque. Lancée sur trois axes, l'opération, dénommée Kadesh, désorganise totalement l'armée égyptienne qui ne fait pas le poids. Très vite, une partie des hommes du colonel Nasser sont faits prisonniers, alors que les autres errent dans le désert, abandonnant leurs armes et leurs munitions. Tous les objectifs sont atteints en à peine 2 jours. Pour l'instant, la France, officiellement, n'a pas pris part au combat. Officieusement, la situation est tout autre. Dès le 29 octobre, en effet, des avions français sont envoyés en Israël. Des appareils dont on remplace la cocarde tricolore par une étoile de David. De plus, aux abords des ports israéliens, 3 escorteurs français sont en position pour protéger Haïfa et Tel Aviv de toute représailles égyptienne. Face aux médias et aux autres alliés, les gouvernements français et anglais jouent la stupéfaction devant l'offensive israélienne. Le jeu de dupes se poursuit. Le 30 octobre, comme prévu secrètement à Sèvres, Anthony Eden, tout comme Guy Mollet, se présente devant leurs assemblées parlementaires et demande leur soutien pour une intervention ayant pour objectif, je cite, « d'arrêter les hostilités aussitôt que possible ». Résultat du vote, 270 voix contre 218 en Grande-Bretagne, 368 contre 182 en France. Et donc, un ultimatum est lancé aux deux forces belligérantes. Dans le même temps, à l'ONU, à la demande des Américains, le Conseil de sécurité tient une réunion extraordinaire. Les positions se dévoilent peu à peu. Alors que le représentant des États-Unis demande aux forces israéliennes de se retirer, le représentant français, lui, souligne les menaces qui pèsent sur l'État hébreu et justifie son action. Lors du vote de la résolution américaine qui invitait notamment les États membres à s'abstenir de toute intervention, Français et Anglais posent leur veto. À Londres, comme à Paris, la marche vers la guerre s'accélère. Comme prévu, Israël accepte l'ultimatum de cesser le feu franco-britannique sous réserve d'une réponse positive de Nasser, qui naturellement ne vient pas. Le 31 octobre, le ministre de la Défense français publie un communiqué qui stipule qu'une offensive aérienne menée par des bombardiers placés sous commandement franco-britannique a été déclenchée à 18h30 contre les objectifs militaires en territoire égyptien. Face à la faiblesse égyptienne et malgré la volonté anglaise de s'en tenir scrupuleusement au plan, les Français souhaitent poursuivre l'offensive. Ils montent une opération en coordination avec les Israéliens qui prévoit des parachutages sur la zone de Port Saïd et de Port Fouad à l'extrémité nord du canal de Suez. Le 5 novembre, vers 7h30, l'opération Télescope, à laquelle les Anglais s'associent finalement, est lancée. Le lendemain, un journaliste d'Europe, Jacques Paoli, est avec les Français aux abords de Port Saïd. Nous sommes en vue des côtes égyptiennes, mardi 6 novembre, le jour vient de se lever et un LMC, un bateau d'assaut, vient se ranger le long de notre bâtiment avec les parachutistes de la Légion étrangère. Je vais passer sur ce bateau et nous allons débarquer sur une plage de Port Fouad. À Port Fouad, le combat continue sur la rive opposée, sur la rive de Port Saïd. Nous sommes en vue des côtes égyptiennes et déjà au loin, nous entendons tonner les canons anglais. Alors que la victoire militaire est à portée de fusil, sur le front diplomatique, les deux pays perdent du terrain. Lors de la session extraordinaire de l'ONU des 1er et 2 novembre, le délégué canadien Lester Pearson avait proposé la mise sur pied d'une force internationale. Le 3 novembre, Français et Anglais posent leurs conditions pour arrêter les opérations militaires, notamment la mise en place de cette force et un accord satisfaisant concernant le canal. La résolution canadienne est ainsi votée, mais les combats se poursuivent. L'URSS sort alors de sa réserve et menace directement la France et la Grande-Bretagne d'employer la force nucléaire en cas de poursuite des combats. Le représentant soviétique n'hésite pas à écrire au Premier ministre britannique, lui indiquant que l'URSS a la possibilité non pas d'expédier des forces navales et aériennes, mais des fusées nucléaires. Le 6 novembre, c'est le président Eisenhower qui fustige son allié anglais et menace de ne pas l'aider, notamment au sujet de sa monnaie. En effet, depuis les débuts des combats, la livre chute. À Londres, l'opinion publique tangue. De plus, le Premier ministre britannique Anthony Eden doit faire face à une fronde parlementaire de la part des travaillistes, mais également au sein de son propre camp, avec la démission de plusieurs de ses ministres. En France, la situation est tout autre. Guy Mollet, soutenu par la quasi-totalité des parlementaires, à l'exclusion des poujadistes et des communistes, et par une grande partie de la presse. En début d'après-midi, tout bascule. À 16h, Eden appelle Mollet. Nous devons nous arrêter. La livre a encore baissé et nous risquons la panique. Je viens de recevoir un coup de téléphone personnel d'Eisenhower. Il me donne 12 heures pour ordonner le cessez-le-feu, lui indique-t-il. Demandez un délai, répond Mollet. Nous pouvons encore gagner du terrain, améliorer notre position. Essayez. Nous sommes avec vous. Il insiste. Mais l'anglais lui répond. J'ai déjà accepté. Alors, un lourd silence s'installe. La bataille est perdue. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Il y a quelques instants, les gouvernements français et britanniques ont annoncé qu'ils avaient donné l'ordre à leurs forces de cesser le feu en Égypte à partir de demain mercredi, 1h du matin, heure française. Les deux gouvernements déclarent en outre que la tâche la plus urgente après le cessez-le-feu sera d'enlever les obstacles à la navigation sur le canal de Suez. Les deux gouvernements proposent que cette tâche soit confiée aux forces franco-britanniques. Les deux gouvernements soulignent également la nécessité de réunir le Conseil de sécurité à l'échelon ministériel

Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'expédition du canal de Suez. Notre invité, Denis Lefebvre. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Je le rappelle aux auditeurs, vous êtes historien, secrétaire général de l'Office universitaire de recherche socialiste. Vous avez publié un ouvrage sur le sujet du jour, intitulé Les secrets de l'expédition de Suez 1956 aux éditions Perrin. Une considération un peu anecdotique. De la statue de Ferdinand de Lesseps détruite, il reste un petit quelque chose. Quand je suis allé au bord du canal de Suez, à la sortie, donc à l'opposé de la Méditerranée, côté mer Rouge, en effet, de loin, parce qu'on ne peut pas rentrer, c'est un terrain, une zone militaire, donc avec barbelés très protégés, il reste le piédestal de la statue. Alors, avant de revenir sur l'expédition et ses secrets, abordons de façon un peu plus précise le contexte français de cette affaire, déjà avec le socialiste Guy Mollet à la tête du gouvernement. Alors, quel est cet homme? Il n'a pas laissé, il a laissé un souvenir très controversé, voire parfois sulfureux, pour peut-être autre chose, mais peut-être aussi pour ça. Qui est Guy Mollet? C'est un homme qui est né dans l'Orne en 1905, qui donc a à peu près 50 ans au moment quand il arrive au pouvoir. C'est un enseignant d'origine, un militant socialiste dès l'âge de ses 18 ans, qui s'est implanté dans le Pas-de-Calais à Arras, dont il est devenu à la Libération le député et le maire. Alors c'est un homme qui, et là on retrouve des questions vis-à-vis de l'affaire de Suez, c'est un homme qui a été marqué par la Première Guerre mondiale, puisque son père est rentré gazé de la guerre en 1918, il est mort en 1932 ou 34, c'est-à-dire que gazé dans des souffrances terribles, et ce qui est intéressant donc c'est que son fils en a retiré une haine totale de la guerre. Et donc, il est militant socialiste, mais très pacifiste. Il sera partisan des accords de Munich en 1938. Et en 1956, il est confronté. Et il dit en 38, on l'a entendu dans l'extrait que nous avons mis tout à l'heure, nous aurions dû résister, dire non à Hitler. Et c'est quelque chose qui le détermine. Et il part du principe que Nasser est un dictateur. Il suffit d'ailleurs de lire certains extraits de son passage de son livre « Philosophie de la Révolution » pour mesurer aussi qu'il a une volonté expansionniste dans toute cette région. De là à comparer Hitler, c'est un peu... Nous sommes dans un pays totalitaire, avec un leader qui est un dictateur qui veut faire une expansion dans toute la région. Alors, quelles sont les relations, avant l'annonce de la nationalisation, les relations entre la France et la Grande-Bretagne? On a l'impression que c'est vraiment les meilleurs alliés du monde qui s'entendent sur tout, en tout cas, ils s'entendent sur cette affaire-là. Ça ne veut pas dire que les relations diplomatiques sont aussi calmes que cela. Alors, c'est l'un des aspects de l'affaire de Suez, c'est intéressant aussi, c'est parce que l'affaire est menée par un socialiste, Guy Mollet, et par un pays qui est dirigé par un gouvernement en Angleterre qui est un gouvernement conservateur. Mais deux hommes qui également ont été marqués par la guerre. Deux hommes qui réagissent face au droit, premièrement, contester la nationalisation du canal de Suez. Et va s'embarquer une affaire entre ces deux hommes qui va durer jusqu'à la mort de Guy Mollet en 1975. Hyden mourra après. C'est-à-dire une amitié qui se crée entre ces deux hommes. Au point que dans les années 60 encore, ils se voyaient régulièrement. Hyden partait avec son yacht d'Angleterre, remontait la Seine et avait des rendez-vous avec Guy Mollet pour parler peut-être de Suez ou parler d'autre chose. Ces deux hommes ont mené main dans la main cette affaire-là. Et surtout, disons que d'ailleurs finalement Guy Mollet, c'est lui qui porte l'affaire de Suez. Il amène en permanence, il tient Hyden, qui lui est confronté à des oppositions très sérieuses dans son pays contre cette affaire, opposition d'une grande partie de son gouvernement, des partis politiques et de l'Église anglicane. Et on rappelle qu'à l'époque, la France est aussi un régime parlementaire. Tout à fait. Parce que dans le régime qu'on connaît, les décisions présidentielles sont parfois plus faciles. C'est-à-dire qu'on enjambe le Parlement sans problème, sans complexe et sans embâge. Mais il a quand même été enjambé dans l'affaire de Suez, le Parlement français. On y reviendra. Bon. Alors, effectivement, considère Nasser comme un dictateur, mais enfin, il y a aussi les intérêts français et britanniques économiques au sein de la compagnie du canal de Suez. C'est probablement la motivation première. C'est l'une des motivations. Je ne dis pas que ce soit la principale. C'est pas la principale. Dans l'esprit de Guy Mollet. Dans l'esprit de Guy Mollet. De tout s'enchevêtre. Il y a le droit international. Il y a la nationalisation du canal de Suez qui rapporte 75%, dont 75% des revenus vont à des Anglais et à des Français. À la fois la couronne britannique et des actionnaires privés français. Ça, c'est le deuxième. Le troisième élément qui peut intervenir, c'est, en effet, en attaquant Nasser, on affaiblit le soutien. Si on peut le renverser, c'est tant mieux. On affaiblit le soutien qu'il apporte aux nationalistes algériens ou FLN en Algérie, puisqu'on est en pleine guerre d'Algérie. Et dans c'est le quatrième volet, sans doute, c'est la défense d'Israël. Et dans l'esprit de Guy Mollet, on en revient à Munich, on en revient à des tas de choses. Si on avait empêché Hitler en 1938, on connaît l'affaire, mais c'est un État qui est né de l'Holocauste qu'il faut défendre. Parce que il est menacé en permanence par des fédayines, etc. Il n'a plus le droit d'emprunter le canal de Suez depuis 1955, donc le régime nassérien à la fois l'affaiblit et fait des menaces précises. Et donc, autre volet, c'est un régime, c'est un gouvernement socialiste. Ben Gourion, Shimon Peres, etc. Ce sont des socialistes. C'est l'époque d'Israël, laboratoire du socialisme. Laboratoire du socialisme. Donc c'est pour ça, c'est les deux grandes raisons de Guy Mollet qui l'intéressent. D'accord. Alors, c'est quand même un complot, cette affaire. Est-ce que c'est un complot? C'est un complot à trois. C'est-à-dire que c'est le point fondamental, c'est une guerre qui est décidée sans que les parlements des trois pays aient été aient pu se prononcer. Bon, première chose déjà. C'est une chose. Donc, ça c'est plutôt un déni de démocratie. C'est une chose absolument extraordinaire. Ouais. Après on dit c'est justifié ou pas, c'est un autre problème, mais c'est ça. Mm. C'est-à-dire que on envoie des soldats en Égypte, les parlements ne se sont pas prononcés, ni en Angleterre. Ni en France, ni en Israël, qui sont trois démocraties. Non, ce qu'on fait en France aujourd'hui, c'est la même chose. Hein, je vous rappelle, sur certaines opérations extérieures, le Parlement ne vote pas. Hein. Enfin bon, alors maintenant qu'on a vu le déli de démocratie, est-ce qu'on est dans un complot? Je veux dire, le complot entre trois pays, on fait semblant, mais on met des cocardes, l'effigie de l'étoile de David à la place de la cocarde française sur les avions. Enfin, ça s'appelle un complot. Dès l'arrivée de Guy Mollet au pouvoir, on arme l'État d'Israël, qui avait passé des commandes dans les années précédentes, qui avait été non assuré ni par Mendès France ni par Edgar Faure. Guy Mollet envoie des avions, puis envoie des chars dans ce pays à partir de, globalement, même avant l'affaire de la crise de Suez. Et après, quand la crise se précipite, on sait qu'on va vers une guerre, donc la France envoie des avions, mais avec des pilotes français. Des pilotes français qui, à partir du moment où ils arrivent en Israël, remettent leur carte d'identité, remettent tous leurs papiers français, ne sortent pas de la base où ils sont parce que ils pourraient se promener dans la ville, ils n'ont pas le droit d'aller dans les bistrots, etc. Parce que on pourrait voir que ce sont des Français. Il y a des journalistes partout. Donc ils sont consignés, etc. Et c'est eux qui, à partir du début de l'opération Kadesh, c'est-à-dire l'opération militaire israélienne sur le Sinaï, la passe de Mitla, vont protéger les troupes israéliennes qui avancent dans le Sinaï. En effet, les cocardes, etc. Bah oui. Tous ces avions sont maquillés. Bon, mais c'est quand même parfaitement belliqueux, puisque dans ce plan, les Français et les Anglais devaient intervenir après l'ultimatum, c'est normal. Hein. Et pourtant, ça n'a pas été le cas. Et on va écouter un extrait de l'émission L'Histoire en direct de Patrice Gélinet en 1987, c'était sur France Culture, dans laquelle intervenait l'ancien ministre de la Défense, Maurice Bourgès-Monoury, et son conseiller Louis Mangin. L'affaire de la couverture aérienne d'Israël a été tellement importante que Maurice Bourgès-Monoury. Nous ignorions l'état d'impréparation totale des Égyptiens, et surtout les Anglais la craignaient. Et nous avons été jusqu'à habiller avec l'uniforme israélien des unités qui ont pris l'air avec nos avions. Je crois que c'est la première fois dans l'histoire de France qu'il y a eu, et j'ai jamais eu, la plainte d'un officier quelconque pour m'être livré à cette supercherie. Ce sont nos avions qui ont transporté les parachutistes qui ont été projetés dans la première heure à 15 km du canal de Suez. Ces avions, Louis Mangin, se battaient sous la cocarde française ou avaient... Non, on leur avait mis la cocarde justement pour se couvrir vis-à-vis des Anglais, pour ne pas leur poser un problème. On leur avait mis des cocardes israéliennes. Et je dois dire que j'ai visité personnellement nos aviateurs en Israël. Et la chose qu'ils demandaient par-dessus tout, c'est de ne pas être engagés sur des couleurs qui ne soient pas les nôtres. Et finalement, on n'a pas pu leur donner satisfaction complète. Bon. Et si vous me permettez une petite remarque, allez-y. Sur ces militaires, sur ces avions, ces militaires qui sont partis, c'est que ça a eu des conséquences, y compris puisqu'ils partaient clandestinement, ça a eu des conséquences sur leur carrière, parce que c'est cette période où ils étaient en Israël clandestinement, souvent depuis l'été 1956, enfin le fin, ne sont pas reconnus comme faits de guerre. C'est-à-dire que pour leur carrière, pour leur retraite, etc., et vous avez encore de ces aviateurs français qui vivent et que j'ai rencontrés, qui ont 85-90 ans, qui ont perdu, parce que la guerre ne commence finalement qu'au moment des bombardements. Et ils sont partis parfois 15 jours ou 3 semaines auparavant, il leur a manqué tous ces jours. Et c'est sans doute là. Et tous les ministres de la guerre successifs, y compris, j'ai fait poser des questions écrites au Parlement par certains députés, etc., les ministres de la guerre successifs, de la Défense, refusent de revenir en arrière pour ces quelques dizaines, il doit en rester quelques dizaines d'aviateurs. On préfère passer ça sous le statut d'opération secrète. Ça existe aussi, la guerre secrète. Toute démocratie... Allez voir. Mais les gouvernements successifs depuis des années s'y refusent. D'accord. Et quelle place tient l'Égypte de Nasser au Proche-Orient à l'époque? Je rappelle qu'il est, à l'époque des faits, il est au pouvoir depuis 4 ans. C'est pas énorme, mais c'est assez pour montrer son caractère et ce qu'il veut. Quelle place y tient ce Nasser, qui j'ai l'impression apparaît comme le grand méchant loup, celui qui fait peur au Proche-Orient, en tout cas aux démocraties occidentales. Je vais raconter une anecdote. C'est quand Anthony Eden apprend la nationalisation du canal de Suez, donc dans la nuit, le soir, il est en train de dîner donc avec le premier ministre irakien. Et qui apprend ça, et Eden l'apprend, il en parle avec son partenaire, premier ministre irakien, et la réaction du premier ministre irakien, c'est de dire « tuez-le, kill him », c'est-à-dire il faut l'abattre. Parce qu'en effet, beaucoup de pays du Moyen-Orient avaient peur de Nasser par l'influence prégnante qu'il prenait petit à petit dans la région. Parce que l'une des volontés de Nasser, c'est de faire un peu ce qu'on appelle le croissant arabe, c'est-à-dire d'unifier sous sa houlette le panarabisme, c'est-à-dire depuis, je ne sais pas, aux alentours de lui, jusque Maroc, Algérie, etc., c'est de faire une grande fédération de tous ces pays-là. Et là, il devenait le roi de la région. Ce qui était le rêve de Kadhafi, après. Plutôt un délire. Enfin, oui. C'était quand même son rêve. Mais c'était ce que voulait faire Nasser. Et quel propos tenait Nasser contre Israël? Il avait des propos précis de destruction, par exemple, de l'État d'Israël, comme d'autres. Il y avait des déclarations très, très, très fermes, on le sait depuis 1948, mais ça s'accentuait depuis quelques années, notamment, je vous l'ai dit tout à l'heure, par les incursions de Fedaïn qui traversaient le Sinaï, il y avait des bases, etc. Il voulait abattre Israël, l'État hébreu. Ça n'a aucun problème. On savait que la guerre serait inéluctable entre Israël et l'Égypte, d'autant plus que depuis quelques mois, arrivait par wagon entier, par avion, du matériel russe. Alors justement, et des conseillers. À propos des Russes, là, on a vu que Moscou montrait les dents, menaçant de guerre nucléaire. Bon, ça c'est des menaces, mais ça sert à ça. Un arsenal nucléaire, ça sert d'abord à menacer, pas à s'en servir. Je suis plus étonné, moi, par le comportement des Américains. Ça ne leur ressemble pas, en tout cas, dans leur doctrine diplomatique, géopolitique de l'époque. Le côté, on est en élection présidentielle, mais non, faut pas faire ça. Et puis, voilà, on laisse tomber, quoi. Je pense que on les met dans l'ordre qu'on veut. Mais il y a les élections américaines. Le président Eisenhower ne veut pas terminer son mandat sur une guerre. Petit 2, il veut sans doute s'implanter dans la région. Et pour s'implanter dans la région, pour faire vite, il faut éliminer les deux anciens pays. Et là, France et Angleterre. Et donc j'ai retrouvé, y compris des documents, enfin que j'ai publiés dans mon livre, montrant l'influence du pétrole que les Américains voulaient, pour lesquels les Américains voulaient s'implanter dans cette région. Alors on va pas faire de l'histoire fiction, mais l'affaire a tourné court, et tant mieux. Les mauvaises plaisanteries sont celles plus courtes. Mais on aurait plus, ils avaient continué à mettre le monde vraiment en danger, ou est-ce que les menaces soviétiques sont celles qu'on peut avoir justement quand on a une puissance nucléaire? Non, les menaces soviétiques étaient entre guillemets formelles, parce qu'on a découvert peu de temps après que les avions ne pouvaient pas aller jusqu'à bombarder, franchir de telles distances pour bombarder l'Angleterre, par exemple, à cette époque-là. Donc c'est formel, mais en même temps, c'est des menaces qui ont compté, d'autant plus qu'au même moment, ça permettait aux Russes de se dégager psychologiquement et politiquement de cette affaire dans laquelle ils s'embourbaient eux-mêmes, la Hongrie en 1956. Oui. Ça permettait de cacher un petit peu ça. Donc tout est vraiment extrêmement complexe. Et si vous parlez, on parle de fiasco aussi. C'est un fiasco politique. C'est une victoire militaire, mais elle était quand même, relativement facile. Oui. Elle est relativement facile. Mais l'essentiel a été fait par l'État, par Israël. C'est-à-dire qu'il a montré, y compris à toute la région, qu'il avait la capacité de faire des attaques foudroyantes. Et d'ailleurs, à partir de Suez, Israël a eu la paix jusqu'à la guerre des Six Jours en 1967. Ça lui a donné 10 ans de vie. Et c'était le seul point positif que Guy Mollet reconnaissait, c'était... Quand il y avait une émission de Jacques Chancel à laquelle il a participé dans les années 70, où Chancel le réinterviewait sur ça, et qui me disait, le seul point positif, nous avons sauvé Israël. Bon, en tout cas, pour les Français et les Anglais, par rapport à l'Égypte, c'est quand même un fiasco. C'est après les Français et les Anglais, l'Égypte leur dit, c'est tout mon heure maintenant, quand même. Ah oui, moi j'ai pas mal d'amis, y compris de Français, dont les parents vivaient en Égypte depuis des années, et tous les Français sont partis. Tous les Français ont quitté l'Égypte. On va terminer par les considérations par lesquelles on avait commencé autour de Guy Mollet, qui a fait à plusieurs reprises allusion à la crise de 1938. Dès le 30 juillet 1956, il fait le parallèle entre les écrits de Nasser et ceux de Hitler. Mais oui, on va l'écouter. Qu'a déclaré le colonel Nasser dans son discours à sensation? Nous poursuivrons nos efforts pour unifier le monde arabe, de l'océan Atlantique au golfe Persique. C'est la confirmation éclatante, donnée dans une circonstance dramatique, des thèses développées dans sa brochure « La philosophie de la révolution ». Tous les peuples du continent africain, dit-il, feront converger leurs regards vers nous, nous l'Égypte. Nous, gardiens de l'issue septentrionale de ce continent, il nous est impossible de nous dérober à la tâche de répandre notre civilisation égyptienne jusqu'au centre de la forêt vierge. L'ouvrage que je cite, je me répète, s'appelle « La philosophie de la révolution ». Ne croyez-vous pas que Mein Kampf serait un titre plus approprié? Voilà, bon, sans commentaire, mais c'était pour un temps. Mais les Français le soutenaient, hein. Ouais. Bon. Alors, quand même, après cet échec, quand même, Guy Mollet a tout fait pour garder le secret du protocole de Sèvres. Comment s'y est-il pris? Parce que je crois qu'il est allé jusqu'à la censure d'ouvrage. Non, il n'est jamais allé jusqu'à la censure de l'ouvrage. Il a d'abord interdit à ses collaborateurs d'écrire quoi que ce soit sur cette affaire-là. Donc il a, par exemple, Christian Pinault, qui était le ministre des Affaires étrangères, voulait écrire un livre. Bon, c'est de la pré-censure, c'est de la censure avant la censure. Si on veut. Et d'autres, et Abel Thomas, pareil. Et le plus extraordinaire, c'est qu'il a écrit... avec Anthony Hiden, les chapitres des mémoires d'Anthony Hiden, dans lesquels Anthony Hiden racontait l'affaire de Suez. Ce chapitre a été écrit ensemble. Et en 1969 encore, il a contrôlé la signature, enfin le livre qu'était en train d'écrire Shimon Peres sur cette affaire-là. Y compris on a les manuscrits de Guy Mollet corrigeant le texte de Shimon Peres. Pourquoi tout ça? Parce qu'il s'était engagé, les trois participants, c'est-à-dire Ben Gourion, Guy Mollet et Anthony Hiden, s'étaient engagés en 1956 à maintenir le secret total. Et les protocoles, les textes du protocole d'ailleurs, ont disparu à partir dès le lendemain. Il y avait trois exemplaires, et Anthony Hiden a exigé donc du gouvernement français et du gouvernement israélien de rapatrier à Londres. Il voulait les voir brûler. Manifestement, Christian Pinault lui a renvoyé un texte, mais il en avait fait une photocopie avant. Et cette photocopie que j'ai récupérée il y a 5 ou 6 ans dans une maison de campagne, dans un tiroir, par le plus grand des hasards, dans une maison de vacances de Christian Pinault. Et sa veuve un jour m'amène ça en me disant, je l'ai retrouvé dans une commode, est-ce que ça vous intéresse? C'était le texte du protocole avec une enveloppe ministère des Affaires étrangères, où Christian Pinault avait écrit en cas de mort, à remettre à Guimolet. Impossibilité, c'est-à-dire que si Guimolet était mort, document à détruire. Et la veuve de Christian Pinault m'a dit, je ne l'ai pas détruit, est-ce que vous en voulez? Et donc pour un historien, c'est un cadeau. Hein. Bah oui, bon. C'est jackpot. Jackpot même. Toute dernière chose, il nous reste à peine une minute. Qu'a obtenu Israël finalement en échange de son intervention? Alors on le disait, Israël a obtenu de montrer sa force. Hein, donc ça c'est important, et ça fait 10 ans de paix, 10 ans de tranquillité, c'est pas rien. A montré sa force, bon. Israël a été sauvé. Et le dernier point... Oui, vous en prie. Le dernier point, c'est la France lui a remis une partie de la bombe atomique. Ah, voilà, j'allais en arriver là justement. Ça, c'est un fait historique. Ah, c'est un fait historique établi. Guimolet donc a remis ça par l'intermédiaire aussi de Christian Pinault. Dans mon bouquin, je publie une lettre de Guimolet à Christian Pinault en 57, rappelant ce qui avait été fait, etc. Bien, merci infiniment, Denis Lefebvre, pour toutes ces précisions sur cette affaire de l'intervention au canal de Suez. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui l'affaire du canal de Suez, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, la fiction, elle sera consacrée au cinéaste allemand Fassbinder. À suivre sur France Inter, bien sûr, Vincent Josse et sa récré. Vincent Josse, bonjour. Bonjour Fabrice. Quel est le programme aujourd'hui, cher Vincent? Nous recevons un chef trentenaire, le chef de l'ensemble Pygmalion, un spécialiste de musique baroque, mais pas seulement, vous verrez, c'est un homme éclectique. À tout à l'heure, merci Vincent.